Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Explorer l'univers, s'approcher des étoiles, comprendre la place de la Terre, ses préoccupations, les hommes les ont depuis longtemps. La technologie, les satellites, mais aussi de puissants télescopes assistés par des ordinateurs, permettent aujourd'hui à des scientifiques d'arpenter les contrées les plus reculées de notre univers et de remonter au plus près du Big Bang. C'est l'astrophysicienne Françoise Combes qui nous emmène faire ce grand voyage. Membre de l'Académie des sciences, professeure au Collège de France, cette grande scientifique est une spécialiste des galaxies et de la matière noire, cette matière que personne n'a pu identifier pour le moment. Françoise Combes, comme de nombreux scientifiques avant elle, est à la recherche de nos origines les plus lointaines. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. On a longtemps pensé que l'univers était éternel, statique et immuable. On a même pensé autrefois que la Terre était au centre de l'univers et grâce à Copernic, on a pu penser que le Soleil était au centre et que la Terre tournait autour. Et puis Galilée a pointé sa lunette et a montré que même les satellites de Jupiter tournaient autour de Jupiter, donc rien n'était immuable. Et puis Newton a montré que la gravité était à l'origine de tous ces mouvements. Et puis, au début du XXe siècle, donc Einstein a fait une révolution et a montré que l'univers pouvait avoir une histoire et a écrit ses équations de relativité générale qui reliaient la quantité de matière et d'énergie dans l'univers à sa courbure et à son destin. Albert Einstein, en 1936. It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead. C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. Einstein a en effet provoqué une rupture de pensée dans notre vision de l'univers. Il a montré qu'on ne pouvait pas avoir d'univers statique, sauf si on ajoutait une constante cosmologique. C'est ce qu'il a fait, parce que lui, dans sa pensée, il fallait que l'univers soit statique. On n'avait pas encore découvert l'expansion de l'univers. Donc il a ajouté une constante, qu'on appelle constante cosmologique, et il a trouvé ensuite, plusieurs années plus tard, que c'était la plus grande erreur de sa vie. Alors, dans les équations d'Einstein, il y avait une relation vraiment intime entre le contenu de l'univers et puis son destin, sa forme. D'abord, est-ce qu'il est sphérique, hyperbolique? Est-ce que il va durer une éternité? Et tout ceci était contenu dans ces équations. Et très vite après, les physiciens s'en sont emparés de ces équations, ont résolu les équations. Et par exemple, De Sitter a été un des premiers à montrer qu'avec ces équations, on pouvait voir un univers en expansion éternelle. Donc l'univers n'était pas statique du tout, mais bougeait, évoluait. Et c'était ça, la grande révolution. Alors, De Sitter était un astronome hollandais, visionnaire au point de vue mathématique, et comment il pouvait tirer parti de ces équations que même Einstein n'avait pas vues au départ. Et il a proposé que même on pouvait avoir un univers sans matière. Et en effet, il a montré que c'était possible. Alors, à l'époque, De Sitter avait... On s'était moqué de lui, en fait. Hein. Il y avait certains... caricature qui le montrait en train de gonfler un ballon lui-même en disant « voici comment l'univers explose », etc. Mais évidemment, les scientifiques avaient compris qu'il avait résolu l'équation et que c'était certainement la voie à suivre. Hubble, dans les années 1915-20, avait repris les travaux d'observation de Slipher et de Humason, qui regardaient avec leur télescope les galaxies proches et regardaient dans leur spectre. Les fréquences plus basses sont rouges, les fréquences plus élevées sont bleues. Donc si la galaxie s'approche de nous, il y a une fréquence plus grande, c'est décalé vers le bleu. Et en fait, Slipher commençait à voir un petit excès de galaxies vers le rouge, mais c'était pas encore très net. Et c'est Humason plus tard qui regardait un peu plus loin et qui a vu qu'en fait, la majorité des galaxies étaient décalées à basse fréquence, c'est-à-dire vers le rouge. Ça voulait dire qu'elles s'éloignent toutes de nous. Donc c'était un début d'expansion de l'univers et c'est ce que Hubble a réalisé. Et on a appelé justement cette loi de l'expansion de l'univers la loi de Hubble. Alors on retient le nom de Hubble parce que c'est celui qui a ramassé et compilé toutes les données. Mais il est vrai que Hubble est contesté aussi, parce que très souvent on s'est aperçu qu'il avait pillé un peu les résultats des autres. Mais en fait, c'est vrai qu'il avait quand même réalisé qu'il y avait dans tous ces résultats une évidence que les galaxies s'éloignaient de nous avec une grande vitesse, et même une vitesse proportionnelle à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous. Et il a donné un certain rapport de proportionnalité entre la distance et la vitesse. Et c'est cette loi de Hubble qui, au départ, n'était pas très bien calibrée. Hein. Elle était 5 fois plus supérieure à ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, Hubble travaillait donc aux États-Unis, en Californie. Il était un astronome senior qui avait beaucoup de personnes dans son groupe qui permettaient de faire beaucoup d'observations. Il n'observait pas beaucoup lui-même, il exploitait beaucoup les travaux des autres. Et il avait quand même une vision, il était visionnaire, il savait un petit peu déduire les résultats des observations. Donc à la même période que Hubble, vers les années 1920, Henrietta Leavitt, une femme très méritante qui avait eu des difficultés dans sa jeunesse, elle était devenue sourde à l'âge de 25 ans. Elle a travaillé de façon très minutieuse, elle a regardé toutes les nuits, elle a regardé des tas d'étoiles, elle a découvert des milliers d'étoiles variables, c'est-à-dire de luminosité qui variait de jour en jour. Et ces étoiles variables, il y en a quelques-unes, les céphéides, qui sont des standards, des chandelles standards, c'est-à-dire qu'elles permettent de découvrir la distance des galaxies. Alors, certaines galaxies qui ont ces étoiles variables nous permettent de savoir à quelle distance sont ces galaxies. Et ça, c'est une découverte fantastique, en fait, qui aurait dû même lui donner le prix Nobel, je pense. Mais à l'époque, bon, elle a eu une vie assez courte et finalement, elle n'a pas pu l'avoir. Et puis en plus, c'était une femme, donc pour être reconnue à cette époque-là, il fallait vraiment beaucoup de chance. Donc là, elle a fait une découverte fantastique dont on se sert encore aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de femmes astronomes. Par contre, il y avait beaucoup de femmes dans les observatoires parce qu'elles étaient les calculateurs. En fait, il n'y avait pas de calculateur informatique à l'époque. Et pour calculer toutes les positions de ces étoiles, les variations, etc., il y avait tout un groupe de femmes qui travaillaient sur les plaques et qui calculaient. Et en fait, c'était les calculateurs de l'époque. Donc, il y avait pas mal de femmes dans les astro-observatoires, mais ce n'étaient pas des astronomes. 16 juin 1950. Conférence sur le rayonnement primaire par l'astronome Georges Lemaître. La fréquence de la lumière est réduite, précisément dans le rapport de l'expansion qu'a subi l'espace durant le temps de sa transmission. Si les dimensions de l'univers ont doublé depuis que la lumière a quitté sa source, sa fréquence à l'arrivée sera réduite de moitié. S'il s'agit au départ de lumière du proche ultraviolet, nous n'aurons plus à l'arrivée que de l'infrarouge d'une intensité réduite de moitié. Un phénomène tout à fait semblable a dû agir sur les rayons cosmiques, si ceux-ci existaient déjà lorsque l'univers était 10, 100 ou 1000 fois plus petit qu'actuellement. Alors c'est fantastique d'entendre la voix de Georges Lemaître comme ça, aussi nette, on dirait qu'il est dans la pièce. Et en effet, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui a beaucoup marqué cette physique de l'univers. Il avait vu, même avant Einstein, en fait, comment l'univers pouvait être en expansion et repartir de ce qu'il appelait atome primitif, c'est-à-dire le Big Bang, ce qu'on va appeler plus tard le Big Bang, qui n'était pas encore le Big Bang. Donc il avait quand même eu la vision de cet univers en expansion. Georges Lemaître a rapproché un peu la vision de Hubble qui voyait l'expansion de l'univers, et c'est donc Lemaître qui a permis de faire le lien entre les équations d'Einstein et puis les observations de Hubble. Donc Georges Lemaître parle dans cette archive de rayonnement primaire, et c'est Gamow qui a fait la théorie de ce rayonnement, qui a permis de dire qu'en effet, si l'univers était en expansion, on pouvait remonter le temps et voir qu'au début, l'univers était très très dense et très chaud, puisqu'il se refroidit dans l'expansion. Donc il avait inventé ce rayonnement primitif. Gamow était un astronome russe qui avait ensuite émigré aux États-Unis, qui avait ensuite eu la nationalité américaine, et qui était un physicien en fait, physicien des particules, de la fusion nucléaire par exemple, des particules, les modèles de l'atome et du noyau. Et puis il s'est tourné vers l'astrophysique parce qu'il avait pensé en effet qu'il y avait énormément de choses à découvrir, ce qu'il a fait d'ailleurs, il a découvert, il a prédit qu'il y aurait eu un fond cosmologique, un rayonnement, qui était le vestige du Big Bang, et surtout il a prédit la nucléosynthèse des éléments plus légers que le lithium, le deutérium, l'hélium, etc., montraient qu'ils devaient se former dans cet atome primitif très très chaud qui permettait les réactions nucléaires. Donc Georges Gamow est sans doute un des premiers qui a pensé qu'il y avait un début, un Big Bang, donc plus tard, quoi. Et c'est vers 1940-48. Et c'est justement tout à fait quelques années plus tard que Fred Hoyle, en Angleterre, faisait des émissions radio à la BBC, en fait. Il y avait un certain nombre d'émissions. Et pour se moquer un petit peu de ce modèle où il y avait un univers très chaud et qui a commencé par une explosion, il a parlé de Big Bang. Bon, en dérision, mais finalement ce terme est resté et tout le monde l'appelle Big Bang aujourd'hui. My name is Fred Hoyle. I am the inventor of the well-known words Big Bang to refer to the origin of the universe, but I'm afraid I don't really believe in the Big Bang. Fred Hoyle pensait à un univers stationnaire, donc peut-être pas complètement statique, mais stationnaire, qui se renouvelle tout le temps. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc c'était vraiment l'opposant au Big Bang, où il y a un début, et puis une expansion à partir d'un début. Donc Georges Gamow a vraiment révolutionné en faisant des prédictions sur l'univers, comment il est né dans un Big Bang et comment les éléments légers ont été formés au début. Et puis, il avait prédit l'existence de ce rayonnement fossile du Big Bang. Et ce sont Penzias et Wilson qui, par hasard, l'ont découvert. Comment Arnaud Penzias et Robert Wilson ont-ils pu apporter la preuve de l'existence du Big Bang? C'est ce que vous racontera l'astrophysicienne Françoise Combes dans un instant. L'ouragan, la douceur qui fascine. C'était François and the Atlas Mountains, à une passante. Les aventuriers sur France Inter. Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Pour moi, 1965, c'est vraiment une date fondamentale pour l'astrophysique et la physique de l'univers, car c'est vers cette période que Arnaud Penzias et Robert Wilson ont découvert le fond cosmologique qui était le vestige du Big Bang. Alors, cette découverte n'était pas voulue. En fait, ils avaient branché leur cornet pour regarder l'émission de la Voie lactée, enfin, l'émission de la radioastronomie, les radio-ondes, de tout ce qui nous entoure, en fait, d'étoiles, Voie lactée, etc. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient un fond qui ne venait de nulle part, c'est-à-dire partout. Ils étaient entourés par un fond. Ils pensaient que c'était du bruit dans leur instrument. Et finalement, peu à peu, ils sont allés voir les théoriciens. Et peu à peu, on s'est aperçu que ça correspondait aux prédictions de Gamow. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un fond de photons qui émettent en radioastronomie et qui correspond exactement aux prédictions de Gamow. C'est fantastique. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel en 1978. Donc, par cette découverte, ils ont apporté une des grandes preuves de l'existence du Big Bang. Alors, l'opinion publique a jamais vraiment a eu du mal à accepter le Big Bang, parce que il s'agit de comprendre que tout l'univers que l'on voit dans notre horizon, qui fait des milliards d'années-lumière, il va se retrouver confiné dans une tête d'épingle. Donc ça, c'est quand même très, très non intuitif. Par contre, la communauté scientifique était derrière le Big Bang, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on voit le Big Bang dans le fond cosmologique. Et peu à peu, on a des instruments comme les satellites, COBE, WMAP et Planck, dont on va décrire un peu les résultats, qui n'ont fait que confirmer et confirmer avec une très très haute précision que le Big Bang existe. Enfin, du moins, que l'univers est passé par un stade très très très dense et très très chaud. Donc il y avait énormément de technologies qui a fait un bond dans les années 40, et on en a dans les années 50 et 60 bénéficié pour l'astronomie. 21 juin 1967, tricentenaire de l'Observatoire de Paris-Meudon, Jean-François Denis, directeur de l'Observatoire. Cette activité de l'Observatoire est assez remarquable, à beaucoup de points de vue. Par exemple, la mesure de la vitesse de la lumière, qui est une des découvertes les plus importantes qui était jamais faite. Et puis, toutes sortes de travaux qui ont été faits à l'Observatoire, en particulier les mesures des méridiens, les mesures de la Terre, en somme, les mesures du système solaire, les formes de la Terre, et en particulier les cartes de géographie. C'est-à-dire que l'Observatoire s'est occupé pendant près d'un siècle de donner à la France de bonnes cartes de géographie, ce qu'on ignore généralement. Oui, d'ailleurs, à l'époque, c'était la science la plus exacte, la plus précise et la plus importante. C'était de loin la science la plus importante. Effectivement, elle s'occupait de tout, pratiquement, l'astronomie. Et quand il a été question à la Révolution même, c'est-à-dire qu'un siècle et demi après sa création, de créer le système métrique, eh bien, l'Observatoire s'est trouvé encore là pour étalonner le maître et des choses comme ça. L'Observatoire de Paris est le plus ancien observatoire encore en opération aujourd'hui dans le monde. Il contient, par rapport à la France par exemple, il contient l'essentiel des astronomes. En France, c'est moins 30% de l'astronomie. En France, c'est à l'Observatoire de Paris, et dans la région parisienne, il y a à peu près la moitié des astronomes de France, en fait. Donc c'est très concentré. L'Observatoire était très représentatif de l'astrophysique française. Alors, pour étudier le fond cosmologique, il fallait avoir une grande précision et ne pas être gêné par l'atmosphère. Donc, il fallait lancer des satellites. Les premiers qui ont lancé un satellite pour regarder le fond cosmologique, ce sont les Américains, avec le satellite COBE, qui, dans les années 90, a permis de détecter dans tout l'univers, dans tout l'horizon, en fait, toutes les fluctuations de ce fond cosmologique. Le fond cosmologique, on l'avait découvert. Mais ce qui était intéressant, c'est d'en faire la carte, la cartographie. Et donc, dans l'espace, c'était possible. Et ce sont les astronomes George Smoot et John Mather qui ont dirigé les équipes et qui ont permis de détecter ces premières fluctuations dans l'univers. Ça, c'était une grande découverte et qui leur a donné le prix Nobel peu après. Alors, ce qu'on voit dans le fond cosmologique, c'est la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire on voit l'univers tel qu'il était il y a 400 000 ans après le Big Bang. Donc à cette période-là, on pensait qu'il y avait des fluctuations qui allaient par gravité s'effondrer et devenir les galaxies. Et puis peu à peu, on le regardait par les instruments au sol, on ne voyait rien du tout, c'était toujours homogène. Donc on commençait à se faire du souci sur la théorie de formation des galaxies, puisque comment on peut former des structures à partir de quelque chose complètement homogène. Et c'est le satellite Kobe qui a enfin permis de détecter ces petites fluctuations, mais c'était à 10-5. Et lorsqu'on a détecté ces fluctuations à 10-5, ça a été quand même une grande surprise, parce que ça voulait dire que on ne pouvait pas se contenter de la matière ordinaire, qui est faite de protons, d'électrons, d'atomes d'hydrogène, pour former les galaxies. Et ça a été là le déclic pour dire qu'on avait besoin de matière noire, d'une autre matière qui n'interagit pas avec les photons, donc qui ne peut pas rayonner et qui est complètement invisible. Et c'est cette observation-là de Kobe qui permet de dire qu'on ne peut pas se passer de matière noire. Cette matière noire, on ne sait toujours pas la nature de cette matière, de quelles particules elle est faite. On sait qu'elle doit exister. Et on savait déjà, même avant Kobe d'ailleurs, puisque lorsqu'on regarde la courbe de rotation d'une galaxie, par exemple, on voit que les étoiles tournent vite et que pour les retenir, il faut qu'il y ait beaucoup plus de masse que celle qu'on le voit. Donc on sait qu'il y a plus de masse. On ne sait pas de quoi elle est faite, mais on sait qu'il y a de la masse qui se manifeste de façon gravitationnelle. On voit la gravité de cette masse. Donc on sait que quelque chose tourne autour d'une certaine masse. On peut en déduire quelle est la quantité de matière qu'il y a, mais on ne la voit pas. Michel Jonas, la Terre est le père. J'ai peur de couver quelque chose, disait la Terre, à l'archange du Père éternel. On m'a mis des hommes sur le dos et ça me démange, disait la Terre. Pitié pour le petit personnel, dites au grand patron qui se dérange, j'ai des misères, j'ai peur de la sale migraine. Je tourne encore mais je tourne à la catastrophe, disait la Terre, alors que tous les supérieurs se ramènent et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint? Liste et leur riserie, si on veut l'être aussi. On voit tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint? T'arrive petite, disait le père à la Terre. C'est un léger malaise, ma belle. Tous ces brigands aveugles, sourds, faiseurs d'histoire, princes et bergères. Ce sont nos enfants, je te le rappelle. Moi, c'est les gambettes qui me démangent, disait le père. Dansons et oublie ta sale migraine. La chance qu'on advance, c'est comme ça, à l'infini, là dans les airs. Allez, que toutes les planètes se ramènent. Et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint? Liste et leur riserie, si on veut l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint? C'est leur riserie, j'en veux l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes quand tout a-t-on éteint? Les aventuriers, Fabienne Chauvière sur France Inter. L'astronomie et la cosmologie sont considérées aujourd'hui comme des sciences de précision, ce qui permet de dater l'origine de l'univers à quelques millions d'années près, soit 13,8 milliards d'années. Les télescopes, les sondes spatiales permettent d'arpenter les confins de cet univers. On retrouve Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Dans notre horizon, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, parce que sans doute l'univers doit être infini, on pense qu'aujourd'hui qu'il est infini, mais on ne peut voir qu'une certaine taille de l'univers, l'horizon, et dans notre horizon, il doit y avoir 200 milliards de galaxies. 25 avril 1990. 6 passagers à bord de la navette américaine Discovery, 5 membres d'équipage en chair et en os, plus le fameux télescope Hubble, un engin de 12 milliards de francs, l'instrument scientifique le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais envoyé en l'air. Grâce à ce télescope spatial, les scientifiques espèrent répondre à une série de questions sur l'âge de notre univers, sur sa taille, son développement actuel et en particulier à la question fondamentale, notre univers est-il en perpétuelle expansion ou a-t-il une taille limitée. Hubble bénéficie d'un atout de taille, une vue particulièrement perçante. En orbite au-dessus de l'atmosphère qui fait écran aux observations faites depuis la Terre, ce télescope verra mieux et plus loin. Il permettra d'agrandir d'un millier de fois le volume d'espace observable par l'homme. Or, plus les objets observés sont éloignés de nous, plus ils sont anciens. Hubble devrait donc étudier pour la première fois des objets vieux de près de 15 milliards d'années qui sont aujourd'hui aux confins de l'univers et sont nés au moment de sa création. Il analysera la lumière qu'ils émettent et en tirera des informations précieuses sur leur composition chimique. Selon les éléments trouvés, les astronomes pourront confirmer ou non la théorie actuelle du Big Bang. Alors 1990, c'est vraiment une date très importante car on a lancé le premier télescope spatial qui pouvait regarder dans le visible, Hubble. On l'a appelé Hubble, évidemment, en honneur à Edwin Hubble, qui a découvert l'expansion de l'univers. Donc finalement, le télescope spatial n'est pas si grand que ça, il est 2 mètres de diamètre, alors qu'on a des 10 mètres au sol, mais ça nous crée des images qui sont vraiment les meilleures que l'on peut avoir. Même au sol, en corrigeant de l'atmosphère, on ne peut pas avoir mieux. Donc la mission Hubble, c'était de cartographier d'abord les galaxies proches, avec une très très bonne résolution, et puis aussi de faire des champs profonds pour aller très loin dans l'univers. Donc ça nous a permis de remonter le temps. Alors on sait que quand on regarde très très loin en astronomie, un télescope peut regarder très loin, être très sensible, on est obligé de remonter le temps. On ne peut pas voir quelque chose de contemporain, puisque le messager, c'est la lumière. On ne voit qu'avec la lumière. Et la lumière va à une vitesse qui est de 300 000 km par seconde, donc elle est finie. Et lorsqu'on veut aller jusqu'à quelques milliards d'années, lumière de nous, il faut remonter le temps de plusieurs milliards d'années, lumière. Donc si on remonte 13 milliards d'années, on va arriver au Big Bang. Et c'est actuellement, ce à quoi on arrive avec le télescope Hubble, on arrive à remonter à 12,5 milliards d'années, là où se forment les premières galaxies. Donc on les voit en direct se former. Donc on voit des tas de petites galaxies, parce qu'au départ, les galaxies qui se forment sont toutes petites, et puis ensuite elles collisionnent et elles forment en fusionnant des plus grosses galaxies. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de fusion de petites galaxies qui sont formées au départ. Alors ce télescope a permis vraiment de comprendre justement comment se formaient les étoiles dans les premières galaxies, quelles étaient la taille des premières galaxies, et on s'est aperçu aussi que les étoiles se formaient par des bursts, des flambées de formation d'étoiles, et que soudain il y avait quelque chose qui éteignait une galaxie. Donc il y a des galaxies éteintes, mortes en quelque sorte, et c'est ça qu'on essaie de chercher, pourquoi une galaxie tout d'un coup fait une flambée de formation d'étoiles, puis tout d'un coup elle s'arrête, son activité à zéro. Alors parfois elle peut reprendre et reformer des étoiles, mais très souvent on a des galaxies mortes qui nous entourent, comme ça, qu'on appelle galaxies elliptiques, alors que d'autres sont des galaxies naines qui sont en pleine flambée de formation d'étoiles. Donc c'est ça qu'on a pu voir avec le télescope Hubble, car on a pu remonter le temps et voir toute la succession de ces formations de flambées et puis d'arrêt d'activité. Alors Hubble est toujours en cours d'observation, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun télescope qui peut le remplacer actuellement. Donc heureusement, il est très proche de nous, il tourne autour de la Terre, et on a pu envoyer des navettes et puis des astronautes qui ont pu réparer, parce qu'évidemment le télescope avait des gyros, des instruments qui tombaient en panne. On a pu le réparer plusieurs fois, on a pu même amener des caméras beaucoup plus sensibles et bien qui ont bénéficié de progrès techniques. Donc on a les meilleures caméras possibles. Décembre 1999. Hubble, le plus puissant télescope du monde. C'est l'astronaute suisse Claude Nicollier qui était chargé de récupérer, puis ensuite de larguer à nouveau Hubble dans le vide spatial après sa réparation. Joint par satellite par nos confrères de la radio suisse romande, Claude Nicollier, écoutez, c'est un document, explique le rapport qui s'était installé entre l'appareil et lui. Le télescope est devenu une espèce amis. On avait une relation très proche avec ce télescope qui est resté dans la soute. Une autre émotion que j'ai ressentie, c'est cette impression d'avoir réparé le télescope, de lui avoir donné une vie nouvelle par ce travail d'équipe à bord de Endeavour. Et qu'au moment où j'ai pressé sur la gâchette pour lâcher le télescope, je ressentais cette merveilleuse impression que nous mettions à disposition du monde scientifique et du monde astronomique un nouveau télescope qui allait pouvoir effectuer des découvertes extraordinaires. Je suis certain que ce sera le cas durant ces prochaines années. Et heureusement, il fonctionne encore. Alors évidemment, on va lancer bientôt, en 2019, hein, peut-être l'an prochain, le James Webb Télescope. Mais ça ne va pas le remplacer parce que ça va observer dans des longueurs d'onde plus infrarouges. Donc on a choisi l'infrarouge pour remonter le temps, justement, avec un décalage vers le rouge des galaxies. On a envie de regarder beaucoup plus vers l'infrarouge. Mais comme c'est un infrarouge, il va être lancé au point de Lagrange. Donc très très loin de nous, et on va pas pouvoir du tout le réparer, donc il va durer, normalement la durée c'est 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faudra en lancer un autre. Dans ces images de Hubble, elles sont fantastiques, hein. Je pense que le public est vraiment est très enthousiaste à voir ces photos de Hubble. Alors il y en a un petit peu de toutes sortes, il y a des nuages de la Voie lactée, par exemple les trompes d'éléphant où se forment les nouvelles étoiles. Il y a aussi les galaxies proches. Alors celles que je préfère, ce sont les galaxies proches parce qu'elles ont une superbe détail dans les galaxies spirales où on voit les formations d'étoiles dans les bras spiraux. Par exemple, les galaxies en interaction, comme les antennes, on voit se former des amas d'étoiles, des super amas d'étoiles qui vont devenir les amas globulaires qu'on a dans notre galaxie. Et puis, ce qui est fantastique aussi, ce sont les champs profonds de Hubble qui permettent de voir 3000 galaxies dans la minute carrée. Donc une très très grande proportion de galaxies. Et c'est là qu'on voit toute la richesse de l'univers et tout ce qu'on peut voir jusqu'à l'horizon. Donc le télescope Hubble a aussi fourni un très grand nombre d'images de la Voie lactée. Notre galaxie où nous vivons, nous sommes un peu au bord de la Voie lactée. En fait, nous ne sommes pas au centre. Hein, et le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. Et nous avons donc beaucoup d'étoiles proches qui ont été vues par Hubble avec un énorme détail. On voit la physique des étoiles. Et c'est tellement proche que l'on voit les choses bouger. C'est-à-dire que là, on voit du gaz qui s'éloigne de l'étoile, qui est éjecté par l'étoile. Et on regarde l'année plus tard, il a une autre forme. On a des supernovées, par exemple, qui ont été vues par Hubble. Et on voit des échos et des bulles autour des supernovées qui évoluent en fonction du temps. Donc ça, c'est assez fantastique. C'est tous les astrophysiciens du monde entier qui proposent des observations Hubble. En fait, il n'a pas regardé tout le ciel, parce qu'il faudrait un grand nombre d'années pour regarder tout le ciel. Le champ de Hubble est assez petit. Donc chaque astronome propose sa propre galaxie qu'il a envie d'étudier. Et s'il est accepté, on va regarder sa galaxie. Donc je pense qu'il a regardé à peu près la plupart de toutes les galaxies que voulaient voir les astrophysiciens. Mais on a toujours besoin d'en voir plus, hein, puisqu'il y a des objets qui varient, etc. Et surtout, on regarde les galaxies très très lointaines, et c'est là qu'on arrive aux limites de Hubble, et que le nouveau télescope spatial pourra regarder, c'est qu'elles sont trop loin, et le télescope est trop petit pour les voir. Donc en 1995, c'est vraiment une date fondamentale pour l'idée que nous faisons de l'univers et si jamais la vie existe ailleurs que sur Terre. Ça, c'est la découverte Michel Mayor et Didier Queloz, de la première exoplanète. Donc, il l'a faite au télescope de Haute-Provence, aux 2 mètres. Donc, c'est une fierté pour ce télescope. Alors, exoplanète, on l'appelle exo parce que ce sont des planètes qui ne sont pas autour du Soleil. Donc, c'est un autre système solaire, un autre système de planètes autour d'une autre étoile. Donc, ces planètes, on pensait, hein, ça remonte à l'Antiquité, on pense qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Hein, ce serait en effet curieux qu'on soit tout seul. Donc, certainement, il doit y avoir d'autres planètes autour d'autres étoiles. Mais pour les découvrir, c'est très difficile parce que ces planètes ne rayonnent pas. Elles ne font que réfléchir la lumière de leur étoile. Et c'est très, très, très faible. Donc, on ne pourrait pas voir la Terre si on était sur une autre étoile voisine. Donc, ce qu'ont fait Michel Mayor et Didier Queloz pour cette découverte, c'était de regarder la vitesse de l'étoile et regarder la perturbation que produisait l'exoplanète en tournant autour de leur étoile. Elle produit une perturbation de vitesse. Alors c'est très très très très faible, et c'est pour ça que c'était très difficile. Et ils ont pu détecter une périodicité. Lorsque l'exoplanète tourne autour de l'étoile, l'étoile recule. Très petit facteur. Donc ils ont regardé l'étoile, ils ont vu le recul dans le spectre de l'étoile. Peu à peu, les gens ont réalisé que c'était possible et beaucoup de personnes s'y sont mis. Et on a découvert maintenant, aujourd'hui, on est à 4000 planètes peut-être découvertes. Et on a plusieurs façons de les découvrir. Donc la vitesse de l'étoile en était une, qui était très très performante. Mais on a aussi le fait que lorsque la planète passe devant le disque de l'étoile, on a ce qu'on appelle un transit. Comme on a vu le transit de Vénus, par exemple, sur le Soleil, on a un transit. L'étoile fait une ombre, la planète fait une ombre sur son étoile. Et ça, c'est justement ce que va détecter Corot. 27 décembre 2006. Depuis quelques minutes, Corot est parti tout seul à la recherche du cœur des étoiles et des planètes extérieures au système solaire, celles qu'on appelle les exoplanètes. Le satellite français, emmené par une fusée russe Soyouz, a décollé cet après-midi du cosmodrome de Baïkonour. Lancement sans accroc. Il y a quelques minutes, le satellite a été placé sur une orbite à 896 km d'altitude. Corot est un satellite lancé par le CNES, donc les Français, avec des collaborateurs européens. Et il était destiné à regarder la sismologie des étoiles. Donc les étoiles tremblent en quelque sorte, ou oscillent avec une certaine périodicité, un peu comme la Terre qui a une sismologie. Et ces tremblements nous permettent de mieux connaître la physique à l'intérieur de l'étoile. Parce que quand on regarde une étoile, on voit que la surface qui rayonne, on aimerait connaître la physique à l'intérieur. Donc ce tremblement nous permet de déduire quelque chose sur la composition des étoiles. Donc Corot était destiné à ceci. Et puis quand on a découvert en 1995 toutes ces exoplanètes, on a pensé que la précision qu'il avait sur la luminosité de l'étoile, Corot pourrait déterminer une petite décroissance de la luminosité de l'étoile due au transit d'une planète qui fait ombre dessus. Et en effet, Corot a pu détecter comme ça plusieurs exoplanètes. Donc en 1998, on a une date aussi charnière dans l'étude de l'univers et de l'expansion de l'univers, car plusieurs groupes, dont Perlmutter, Adam Riess et Brian Schmidt, dans le monde, ont essayé de découvrir des supernovées. Alors les supernovées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des étoiles qui explosent. On a des novées qui explosent un tout petit peu, mais les supernovées, c'est encore une explosion beaucoup plus fantastique. Il s'agit de la fin de vie d'une étoile. Lorsqu'une étoile est très massive, elle n'a plus de combustible, elle explose en supernovae. Et on a d'autres types de supernovae qui sont de type 1A, et c'est de celles-là dont il s'agit. Ce sont des étoiles binaires avec une naine blanche. C'est une étoile comme le Soleil sera en fin de vie, deviendra naine blanche. Et à ce moment-là, lorsque l'étoile binaire perd son enveloppe et tombe sur la naine blanche, on a un phénomène d'explosion aussi qu'on appelle supernovae, et qui est exactement standard, c'est-à-dire chaque événement est le même et on peut en déduire la luminosité intrinsèque de cette supernovae. Et donc comme on mesure la luminosité apparente, on a la distance, mais avec beaucoup de précision. Donc ces chercheurs ont étudié des supernovae de type 1A et ces indicateurs de distance nous ont permis de voir que certaines galaxies étaient en expansion plus grande que prévue par la loi de Hubble. Donc ça montrait que l'expansion était en accélération, elle n'était pas régulière. Alors jusqu'à présent, jusqu'en 1998, tout le monde pensait, c'était une évidence, qu'elle était décélérée. Donc on lance l'univers dans son expansion et on s'attend à ce que toute la masse de l'univers la décélère. Mais c'était le contraire qu'on a observé en 1998, d'où la surprise des physiciens. Qu'est-ce qui accélère l'expansion ? Donc il nous faut une force répulsive, et c'est ce qu'on a inventé, une énergie noire. On est obligé d'accepter qu'il y a 70% quand même du contenu de l'univers qui est cette énergie noire et qui repousse, qui n'attire pas, qui repousse, et donc qui fait l'accélération de l'expansion. Donc l'énergie noire, qu'est-ce que ça pourrait être ? On n'en sait absolument rien du tout, mais on pense qu'à un cinquième élément, on pense à une modification de la gravité, ce qui est un petit peu équivalent, parce que lorsqu'on modifie la gravité d'Einstein, qui jusqu'à présent, ça fait un siècle qu'elle n'a pas été modifiée, donc peut-être c'est le moment, on peut modifier sa gravité, on ajoute des champs scalaires. Alors ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, on ajoute un autre élément qui fait qu'il y aura peut-être une cinquième force. Pour l'instant, on connaît quatre forces dans la physique, on va peut-être ajouter une cinquième force, et c'est là que se situe toute la recherche aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé d'ajouter cette cinquième force, ou bien y a-t-il un autre élément ? Tout ça, on n'en sait rien. to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. C'était Mr. Tillman, interprété par Father John Misty. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. En 2015, l'homme détectait directement sur Terre et pour la première fois les ondes gravitationnelles de la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'univers nous envoie des messages venus de loin, mais la matière noire et l'énergie noire restent pour le moment mystérieuses. Françoise Combe, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Depuis Kobe, nous avons plusieurs instruments qui ont étudié le fond cosmologique. Il y a eu d'abord WMAP, l'instrument américain, et puis aujourd'hui Planck, qui est l'instrument européen, le satellite européen, qui a été lancé en 2009 et qui a maintenant terminé toutes ses études. Donc il a étudié avec encore plus de précision que les deux précédents satellites le fond cosmologique. Il a confirmé avec énormément de précision. Alors cette fois, on a beaucoup plus de résolution spatiale, donc on a une cartographie avec beaucoup plus de précision, et on a confirmé totalement, avec beaucoup plus de chiffres significatifs, tout ce qu'on savait avant. Donc on n'a pas appris quelque chose de vraiment nouveau, mais on a consolidé l'existence du Big Bang, l'existence de la matière noire, de l'énergie noire, tout cela est complètement confirmé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est abouti, qui a une énorme précision. Planck a toujours regardé la même période, c'est toujours 400 000 ans après le Big Bang, comme Kobe, c'est-à-dire la dernière surface de diffusion des photons et des atomes d'hydrogène qui sont à l'époque ionisés. Donc il faut attendre que l'atome d'hydrogène se recombine, et c'est lorsqu'il devient neutre, qu'il n'interagit plus avec le photon, et qu'on peut le voir. Autre part, entre le Big Bang T égale 0 et puis 400 000 ans après le Big Bang, l'univers est opaque. Le photon interagit avec les particules chargées, avec le proton électron, et c'est comme si on avait une vitre complètement opaque. Donc on ne voit pas au-delà de 400 000 ans. Par contre, on pourrait avoir des ondes gravitationnelles qui passeraient cette vitre opaque. Mais au point de vue photon, on ne voit pas au-delà de 400 000 ans après le Big Bang. Le Big Bang, on le verra peut-être, mais pas dans les ondes électromagnétiques. donc peut-être dans les ondes gravitationnelles. 23 décembre 2017, Thibaut Damour, physicien, médaille d'or du CNRS. La théorie d'Einstein nous dit que l'espace n'est pas rien, mais que c'est comme une espèce de gelée, donc un milieu élastique. Quand des masses bougent dans l'espace, elles déforment la gelée autour d'elles, la gelée espace, et cette déformation peut se propager de proche en proche à la vitesse de la lumière, et c'est ça une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de la gelée espace qui part à partir des masses qui l'engendrent dans toutes les directions à la vitesse de la lumière en décroissant comme l'inverse de la distance à la source. Donc c'est très très très compliqué à détecter, c'est pourquoi Einstein avait prévu ces ondes mais pensait que ce serait impossible de les détecter. Et c'est ce qu'ont fait pourtant les instruments VIGO et LIGO, qui sont des interféromètres, qui ont des bras qui sont très très longs, 4 km, et avec des instruments laser, des lumières laser, ce sont les lumières laser qui interfèrent, et lorsqu'il y a une différence de longueur entre les bras, qui font 4 km, alors il y a des franges d'interférence, et on peut détecter ces ondes. Et c'est il faut évidemment une technologie très très poussée, c'est pour ça qu'ils ont travaillé pendant des dizaines d'années avant d'arriver à avoir des miroirs qui réfléchissaient les lasers avec une extrême précision, et puis aussi on peut prédire. Par exemple, lorsque des objets compacts, comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs, rentrent en fusion, c'est là qu'on a le plus d'ondes gravitationnelles, parce que ce sont des objets qui ont une gravité très forte. Et c'est ça qu'on a découvert LIGO en 2016, première onde gravitationnelle détectée, c'était la fusion de deux trous noirs. 3 octobre 2017, le prix Nobel de physique est attribué aux découvreurs des ondes gravitationnelles. L'Académie suédoise des sciences a décidé de remettre le prix Nobel de physique 2017 pour moitié à Rainer Weiss et pour autre moitié conjointement à Barry C. Berish et Kip S. Thorne, tous membres de la collaboration LIGO-Virgo. L'Académie récompense ainsi la contribution décisive du détecteur LIGO à l'observation des ondes gravitationnelles. Alors en 2016, c'était vraiment une révolution. Enfin, évidemment, on s'y attendait, puisque ça faisait déjà 10 ou 20 ans que les instruments travaillaient dessus. Mais certains étaient un peu sceptiques en disant « vont-ils y arriver ? C'est vraiment un signal très très faible ». Donc ça a été un immense bonheur de voir que c'était possible et qu'on pourrait ensuite faire de l'astrophysique avec, parce que peu à peu, maintenant, on sait que en améliorant encore un tout petit peu, on peut détecter une fusion de trous noirs par mois, par exemple. On en a détecté déjà 5 ou 6. Encore en 2018, on a énormément de problèmes et de mystères à résoudre en astrophysique. Alors, on a vu que déjà, le contenu de l'univers, on avait pu le quantifier. 70% d'énergie noire, 25% de matière noire. On a l'air d'être très savant, mais en fait, on ne sait absolument pas de quoi sont faits cette énergie noire et cette matière noire. Donc, c'est vraiment un problème auquel faut s'atteler. On peut aussi avoir des alternatives, comme la matière noire ne serait que le reflet d'une modification de la gravité. Et ça, on essaie d'exprimer un peu dans quelle partie elle pourrait être modifiée, et surtout d'envoyer des satellites, comme le satellite Euclide, qui va être lancé l'an prochain. Un télescope qui permettra de faire une cartographie du ciel aussi, un petit peu comme Hubble, mais avec un très grand champ, pour savoir si la gravité est bien celle d'Einstein ou bien s'il faut modifier un peu cette gravité. Et à ce moment-là, peut-être rendre compte de la matière noire et de l'énergie noire dans cette modification de la loi. Parmi les questions que se posent les astrophysiciens aujourd'hui, évidemment, il y a... Est-ce qu'il pourrait y avoir la vie sur une de ces exoplanètes que l'on a découvert? On sait que on a découvert 4000 exoplanètes, mais c'est uniquement le voisinage du Soleil. Quand on extrapole à toute la Voie lactée, il y a plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, donc c'est pas 200 milliards d'étoiles, mais bien plus de planètes encore. Et puis, quand on sait qu'il y a 200 milliards de galaxies, donc on voit que les chiffres sont énormes, il y a énormément de planètes, il y en a certainement quelques-unes qui sont en zone habitable, c'est-à-dire où l'eau peut être sous forme liquide, et un petit peu gazeuse, et sous forme de solide, en glace, comme il y a sur la Terre. Donc, c'est sûr que les conditions de la vie doivent exister ailleurs. ça on en est persuadé. Maintenant, est-ce que la vie est apparue? Pourquoi pas? On se demande pourquoi nous serions une exception dans l'univers qui est si vaste. Donc certainement, les gens commencent à réaliser qu'il serait possible peut-être de cartographier. Donc on a des instruments qui permettent de savoir s'il y a par exemple de la végétation sur une des zones ou bien alors des océans ou la structure de la surface d'une exoplanète. On commence à avoir des instruments qui pourraient... Donc la difficulté, c'est qu'il faut s'affranchir de l'étoile à côté, donc faire de la coronographie en quelque sorte, on peut en faire de façon digitale, numérique, et s'affranchir de l'éblouissement de l'étoile qui est à côté et voir un peu ce qu'il y a sur la planète. Donc ça, ce sont des progrès en cours, et puis on essaie aussi de faire des spectres pour savoir si on va détecter des molécules comme l'eau, comme l'oxygène, et savoir si on peut en déduire que certainement la vie est apparue ailleurs. On est à la croisée des chemins, là, on est peut-être sur le point de découvrir qu'il y a d'autres vies ailleurs. Alors évidemment, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir communiquer avec cette autre vie, mais bon, ça sera beaucoup plus difficile, parce que si la vie existe ailleurs, elle est très très loin, et même communication par des photons, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, ça prendra des années et des années. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir converser avec ces autres êtres possibles. Vous pouvez suivre les cours de Françoise Combes sur le site du Collège de France, ils sont en ligne. Vous pouvez aussi vous rendre sur celui de l'Académie des sciences. Et vous pouvez podcaster cette émission sur le site de France Inter, comme toutes celles que vous avez pu écouter cet été. Les Saventuriers, c'est une émission qui s'écoute et un livre qui se lit. Les grandes épopées qui ont fait la science sont racontées par nos meilleurs chercheurs. Elles sont parues chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Julien Dumont et Pierre Faucillon, au mixage Benjamin Orgeret, et merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Après ce voyage dans l'infiniment grand, voyage demain dans l'infiniment petit. Julien Bobroff vous emmènera dans le monde de la physique quantique pour un autre voyage tout aussi passionnant.